بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc ceci est un modeste rappel concernant le sujet du mariage, étant donné que demain, le vendredi 25 octobre, Inch'Allah, après la prière du Maghreb, nous allons commencer l'étude du chapitre du mariage du livre Ad-Durar al-Bahiyya de l'imam Mohammed ibn Ali Shawkani, Inch'Allah ta'ala. Et donc, avant de commencer cette série de cours, j'aimerais faire un rappel sur le sujet du mariage, mentionnant ici quelques enseignements importants concernant le mariage, car beaucoup négligent le mariage, sous-estiment l'importance du mariage, et ô combien le mariage est une grande adoration dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qui nous montre que le mariage est quelque chose d'important, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nisa, le verset 21, y a fait référence comme étant un engagement solennel. En effet, Allah a dit, selon le sens du verset en français, « Et elles ont pris de vous un engagement solennel ». C'est-à-dire les épouses, en se mariant avec vous, elles ont pris de vous un engagement solennel. Également, ce qui montre la grande importance du mariage, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans un hadith, qui est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, a rappelé la crainte d'Allah aux hommes concernant leur interaction avec les femmes. Et a mentionné, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont pris ses épouses en tant que responsabilité devant Allah. Et également, parmi ce qui montre le haut statut du mariage en islam, le fait que dans la sourate Les Abeilles, le verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné cela parmi ses faveurs. Et lorsqu'Allah nous mentionne une de ses grâces ou une de ses faveurs, ça veut dire que cette grâce et cette faveur-là est grandiose. Et donc Allah y a mentionné, selon le sens du verset en français, « Et il vous a accordé de vous, pour vous, des épouses ». Et Allah, Azza wa Jal, dans Surat Ar-Rum, le verset 21, a même mentionné que ceci faisait partie de ses signes. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset, selon le sens approximatif du verset, « Et parmi ses signes, le fait qu'il ait créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous vous reposiez auprès d'elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a certes dans ces choses-là des signes pour des gens qui réfléchissent. » Et également, parmi ce qui montre l'importance du mariage, le fait que c'était une pratique qui était connue des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam. Allah, dans Surat le Tonnerre, le verset 38, avait fait référence à cela, dans le sens où le verset mentionne, selon le sens approximatif du sens du verset, « Et nous avons certes envoyé des messagers avant toi, c'est-à-dire avant toi, ô Muhammad, nous avons certes envoyé des messagers avant toi, et nous leur avons accordé des épouses et une descendance. » Et également, parmi ce qui montre l'importance du mariage, c'est le fait que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pratiqué cela. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, avait dit « Et quant à moi, je jeûne et parfois je ne jeûne pas, je dors et je veille en prière, et j'épouse les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. » Et ce hadith est unanimement reconnu authentique. Dans un autre hadith, qui est rapporté par l'imam de Majah dans son sunan, qui fut considéré comme étant Hassan par Cheikh al-Albani, rahimahullah, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mariage fait partie de ma sunna. Quiconque n'œuvre pas en conformité à ma sunna n'est pas des miens. Et mariez-vous, car certes je me vanterai de votre grand nombre, ou bien plutôt, on pourrait le traduire par le fait que je concurrencerai les autres communautés par votre grand nombre. » Et dans le hadith, il a mentionné, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui parmi vous a la capacité alors qu'il se marie, et celui qui n'est pas en mesure de pouvoir se marier alors qu'il y recourt au jeûne, car ce sera pour lui une protection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une discussion qu'il a eue avec ses sahaba concernant quelles sont les plus grandes richesses, quelles sont les meilleures choses qu'on peut obtenir dans ce bas monde, que l'on peut essayer d'obtenir et d'acquérir dans ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté vis-à-vis de ce qu'il y a de meilleur que l'on peut obtenir dans ce bas monde. Et il avait dit donc que les meilleures de ces choses-là étaient le fait d'avoir une langue qui fait le rappel d'Allah, et le fait d'avoir un cœur qui est reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et le fait d'avoir une épouse pieuse, une épouse croyante plutôt, qui aide son mari quant à sa foi, c'est-à-dire quant à sa religion. Ce hadith fut rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi, et fut considéré comme étant authentique par Sher al-Albani. Et parmi ce qui montre que le mariage a une grande place en islam, c'est que il contribue au bonheur. Dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans un hadith qui fut rapporté par l'imam Ibn Hibban et qui fut considéré comme étant authentique par Sher al-Albani, rahimahullah, il avait mentionné alayhi salatu wa sallam, que quatre font partie du bonheur, c'est-à-dire contribuent au bonheur de l'individu. Et parmi ceux qu'il avait mentionné, alayhi salatu wa sallam, en premier élément, une épouse pieuse. Et dans les autres éléments qu'il avait mentionnés qui contribuent au bonheur du serviteur, le fait d'avoir une demeure vaste, d'avoir un voisin pieux et d'avoir une monture docile. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: quiconque à qui Allah aura accordé une femme pieuse, alors il l'a certes aidé concernant la moitié de sa religion, alors qu'il craigne pieusement Allah concernant l'autre moitié. Ce hadith fut considéré comme étant bon par Sheikh al-Albani. Et dans une autre version du hadith, qui est elle rapportée cependant par l'imam al-Bayhaqi, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le serviteur se marie, alors il a certes complété la moitié de sa religion, alors qu'il craigne Allah concernant l'autre moitié. C'est-à-dire qu'ils craignent pieusement Allah quant à l'autre moitié. Ceci est un modeste rappel afin de rappeler à mes frères et sœurs qui envisageaient de se marier, ou qui pensent à se marier, ou qui pensent à retarder le mariage, que le mariage est une noble adoration, et pour toute personne qui envisagerait de se marier, il doit savoir que la science précède la parole et l'action. Donc je vous invite à venir vous instruire avec nous, afin que l'on puisse revoir ensemble certains principes, certaines règles de l'islam quant au mariage, afin que celui qui est dans un processus de se marie avec science, et que la personne qui est déjà mariée puisse remédier possiblement à des déficiences et à des manquements qu'il aurait eus. Et qu'Allah nous accorde à tous le succès dans l'accomplissement de ce qu'il aime et agrée. Donc rendez-vous vendredi 25 au Mejid al-Rahma, et ce sera radiodiffusé sur la radio-télégramme du Mejid, Inch'Allah ta'ala, après le Maghreb, bi-idhnillah. Et à partir de la semaine suivante, suite au changement d'horaire, au passage à l'horaire d'hiver, nous passerons donc à un autre créneau qui sera le fait de faire cours après l'Aïcha, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.